that warns for the bombardments is not working anymore. I suppose it was worn out. Or as they say here, they have succeeded in putting it out of order, but who they are, nobody knows. And now the Germans are to warn us by trumpeting. But after all, that does not really wake one up if one is really asleep, so everybody prefers it. That is all everybody talks about, is bombardments, and naturally, nobody is pleased. Whether the aim is good or not is hotly discussed. They say they should not fly so high. Though they do admit that the precision of hitting is very great. Nevertheless, they say if they flew lower, there would be less destruction round and about, and as the defense is practically non-existent, why not fly lower? Others say they should not bombard at all, and everybody will hate them, and they did love the Americans, but you know how they are here, the French, to get the past, enjoy the present. Yes, they answer, but our towns and all the dead. Oh dear, they say to me, can you not stop them? Alas, I say, I hate to have lovely places. Lovely places smashed up and French people killed, but what can I do? Well, they say anyhow, it is going on so long, so long. And sometimes those of us that were most optimistic are getting kind of pessimistic. It is going on so long. Sagt mir, was ist der geraden Linie unähnlicher als der Kreis? Was dem Geraden entgegengesetzter als das Krumme? Und dennoch stimmen sie im Prinzip und im kleinsten Teile überein. Denn welcher Unterschied ließe sich zwischen dem kleinsten Bogen und der kleinsten Sehne entdecken? Ferner im Größten, welcher Unterschied ließe sich zwischen dem unendlichen Kreise und der geraden Linie finden? Seht ihr nicht, wie der Kreis, je größer er ist, umso mehr sich mit seinem Bogen der Gradlinigkeit annähert? Wer ist so blind, dass er nicht sähe, wie der Bogen, je größer er wird und je größer der Kreis, dessen Teil er ist, umso mehr sich der geraden Linie annähert, die durch die Tangente bezeichnet wird? Hier muss man doch sicher sagen und glauben, dass, wie die Linie, je mehr ihre Größe zunimmt, umso mehr sich der Geraden annähert. So auch die größte von allen im Superlativ mehr als alle anderen gerade sein muss. Sodass zuletzt die unendliche Gerade sich als der unendliche Kreis erweist. Da seht ihr, dass nicht nur das Größte und Kleinste in einem Sein zusammentreffen, wie wir öfter ausgeführt haben, sondern auch im Größten und im Kleinsten die Gegensätze eins und ununterschieden werden. Thank you. Représentez-vous un rocher qui est dans le côté gauche du tableau. De ce rocher coule une source d'eau pure et claire qui s'enfuit au travers de la campagne. Un homme qui était venu pour puisé de cette eau, est saisi par un serpent monstrueux. Le serpent se lie autour de son corps et entrelace ses bras et ses jambes par plusieurs tours. Le serre, l'empoisonne de son venin, elle étouffe. Cet homme est déjà mort. Il est étendu. Sa chair est déjà livide. Son visage affreux représente une mort cruelle. Si vous ne nous présentez point d'autres objets, voilà un tableau bien triste. Vous allez voir quelque chose qui augmente encore cette tristesse. C'est un deuxième homme qui s'avance vers la fontaine. Il aperçoit le serpent autour de l'homme mort. Il s'arrête soudainement. Un de ses pieds demeure suspendu. Il lève un bras en haut, l'autre tombe en bas. Ses deux mains s'ouvrent. Elles marquent la surprise et l'horreur. Ce second objet, quoique triste, ne laisse pas d'animer le tableau et de faire un certain plaisir semblable à ce que goûtaient les spectateurs de ces anciennes tragédies, où tout n'inspirait que misère et violence. Mais nous verrons bientôt si vous avez... Ah ah. Vous commencez à vous humaniser un peu. Mais attendez la suite, s'il vous plaît. Vous jugerez selon vos règles. Quand j'aurai tout dit. Là, auprès, est un grand chemin. Sur le bord duquel paraît une femme qui aperçoit l'homme effrayé mais qui ne saurait voir l'homme mort parce que elle est dans un enfoncement et que le terrain fait une espèce de rideau entre elle et la fontaine. La vue de cet homme effrayé fait en elle un contre-coup de terreur. Ces deux frayeurs sont, comme on dit, ce que les douleurs doivent être. Les grandes se taisent. Les petites se plaignent. La frayeur de cet homme le rend immobile. Celle de cette femme, qui est moindre, est plus marquée par la grimace de son visage. On voit en elle une peur de femme, qui ne peut rien retenir, qui exprime tout son alarme, qui se laisse aller à ce qu'elle sent. Elle tombe assise, elle laisse tomber et oublie ce qu'elle porte. Elle lève les bras et semble crier. N'est-il pas vrai que ces divers degrés de crainte, de surprise, font une espèce de jeu qui touche et qui plaît? Mais enfin, qu'est-ce que ce dessin? Est-ce une histoire? Si c'en est une, je ne la connais pas. Ne serait-ce point plutôt un caprice? C'est un caprice. Ce genre d'ouvrage nous sied fort bien, pourvu que le caprice soit réglé et qu'il ne s'écarte en rien de la vraie nature. Le côté gauche de votre tableau me donne envie de voir le côté droit. C'est un petit coteau qui descend en pente insensible jusqu'au bord de la rivière. Et le ciel, comment l'avez-vous fait? Il est d'un bel azur, mêlé de nuages clairs qui semblent être d'or et d'argent. Une ville. On voit de vieilles tours, des créneaux, de grands édifices et une confusion de maisons dans une ombre très forte. Les montagnes, de figures bizarres, varient l'horizon. En sorte que les yeux sont contents. There was nothing more interesting in the 19th century than little by little realizing the detail of natural selection in insects and flowers and birds and butterflies and comparing things and animals and noticing protective coloring. Nothing more interesting. And this made the 19th century what it is. The white man's burden, the gradual domination of the globe, until piece by piece it became known and became all of a piece. And the hope of Esperanto, or a universal language. Here we can see every night, when the moon is bright. In the 19th century, there was reading, there was evolution, there were war and anti-war, which were the same thing, and there was eating. Even now, I always resent when in a book they say they sat down to a hearty meal, and they do not tell just what it was they ate. Here we can see every night when the moon is bright. And even when it is not, we cannot see them, but we hear them. They hum, and then from time to time they drop a light, and that gives us all a very great deal of delight. And why? Because they're going to drop bombs on the Italians. Anybody can like an Italian, but just the same, we can have a great deal of pleasure in hearing these airplanes hum and see them drop lights on their way to bomb Italians. Why, we all say, do they not give in? Not so exciting, perhaps, but more useful. More useful if you want to carry on living in a country which has not been overwhelmed by destruction. When the moon is bright. Last night, there was a complete eclipse of the moon. The shadow of the earth fell on the moon none too soon, and then slowly it passed away. It was very nice, but none of the newspapers and none of the radios mentioned it. Eclipses are an amusement for peacetime. And yet all the same, said my neighbour, for she's a countrywoman. It makes one think of all those worlds turning around and around. Yes, I said, it is more frightening even than war. Yes, she said. And it was 12 o'clock at night, and the moon was shining bright again. And so we went to bed, and we saw the lights dropping, and we heard the airplanes humming, and then we shut out the moonlight, and then we were sleeping. And all of this is an introduction to the 19th century feeling about science. Stars are not more than what they look like. If they are, then are they really realer than war? It It is just that that makes the 20th century. Know what science teaches, and whether it is or whether it is not what science teaches, since war is really, and therefore it is what it is. That is, everybody gets to meet everybody. Friends and enemies we have then, now enemies in the house and the barn. And it does not make any difference about stars, and it does not make any difference about war. Only it does make a difference about war, seeing the train pass with the enemy on them. Yes, it does. But the stars, whether they are what they look like, or what science teaches, does it make any difference? And anybody can answer that it does not. La nuit est un grand espace cubique, résistant, extrêmement résistant, entassement de murs et en tous sens, qui vous limite, qui veulent vous limiter. Ce qu'il ne faut pas accepter. Moi, je n'en sors pas. Que d'obstacles, pourtant, j'ai déjà renversé. Que des murs bousculés. Mais il en reste. Oh, pour ça, il en reste. En ce moment, je fais surtout la guerre des plafonds. Les voûtes dures qui se forment au-dessus de moi, car ils sont présentes. Je les martèle, je les pilonne, je les fais sauter, éclater, crever. Il s'en trouve toujours d'autres par derrière. À coups de pique, je les ventre. Puis j'éventre le suivant. De cave en cave, je descends, toujours, crevant les voûtes, arrachant les étais. Je descends, imperturbable, infatigué par découverte de caves sans fin, dont il y a un nombre que depuis longtemps, j'ai cessé de compter. Je creuse, je descends, sans faire attention à rien, en enjambée de géant. Je descends des marches comme celles des siècles. Et enfin, au-delà des marches, je me précipite dans le gouffre de mes fouilles, plus vite, plus désordonnément. Jusqu'à buter sur l'obstacle final, momentanément final. Et je me remets à déblayer, avec une fureur nouvelle. À déblayer, creusant dans la masse des murs qui n'en finissent pas, et qui m'empêchent de partir du bon pied. Mais la situation en jour se présentera différente. Peut-être. empli de moi, empli de toi, empli des voiles sans fin, de vouloir obscur, empli de plis, empli de nuit, empli de plis indéfinis, de plis de ma vigie, empli de pluie, empli de bris, de débris, de monceaux de débris, de cris aussi, surtout de cris, empli d'asphyxie, trombe lente. Press of people. We hardly knew ourselves that day, or knew the city. And we, so many crowding the way, so many waiting. How many waiting? What did it matter on such a day? Are they coming? No, not yet. You can see some leaders and hear the trumpets. Is he coming? We can wait with our stools and our sausages. Here they come. What a time that took. Will it be he now? No, those are the golf club captains. These, the scouts. And now, Société Gymnastique de Poissy. In his eyes or in the hands, right over the horse's neck and the eyes, watchful, waiting, perceiving, indifferent. No! They go up to the temple. The sacrifice. Come the virgins bearing urns. Urns containing dust. To church, and they rang a large bell, and he cried right out loud, "Crumpets! Don't throw away that sausage. It'll come in handy." He's artful. Please, can you give us a light? Light? Light. Et les soldats faisaient la haie. Ils la faisaient. Je n'ai pas d'outils. Je suis un des rares hommes bombes. Je dis rare, car s'il en est d'autres, que ne l'ont-ils déclaré un jour? Il est vrai, il est possible qu'il en ait d'autres. Nous sommes obligés à quelque prudence éclatée. Ça peut être dangereux un jour, pense le public. Après tuer, les caresses. Qu'il dit, pense le public. Mais s'il demeure dans le tuer, s'il s'enfonce dans le tuer, s'il réalise enfin le tuer, le public, toujours magistrat dans son âme simple, s'apprête à nous faire condamner. Mais il est temps de me taire. J'en ai trop dit. À écrire. On s'expose décidément à l'excès. Un mot de plus, et je culbutais dans la vérité. D'ailleurs, je ne tue plus. tout lasse. Encore une époque de ma vie de fini. Maintenant, je vais peindre. C'est beau les couleurs quand ça sort du tube. Et parfois encore quelque temps après. C'est comme du sang. Du bist auf durch Staub und Schlamm geht leuchten, leuchten aus. Zu Füßen der Kämpfe, wache Waffen aller Arten, zerbrochene Schilde, Lanzen, Schwerter und Ähnliches. Tote wirst du machen, einige halb mit Staub bedeckt, andere ganz. Die Besiegten mache blass, mit hochgezogenen Augenbrauen, und die Haut darüber sei schmerzlich gekraust. Die hochgewölbten Lippen sollen die oberen Zähne freigeben, die Zähne so verteilt sein, dass ein Wehgeschrei entsteht. Dann mach noch andere, die mit Weit auf gerissenem Mund schreiend fliehen. Andere sollen sterben, die Zähne zusammenbeißen, die Augen rollen, sich die Fäuste an den Leib drücken und die Beine verdrehen. Man könnte auch viele Männer sehen, die alle zusammen über ein totes Pferd gefallen sind. Anyway, the 19th century liked to cry, liked to try, liked to eat and liked to pursue evolution, and liked war. War and peace and peace and war, and no more. When I was then, I liked revolutions. I like to eat. I like to eat. I like to cry. Not in real life, but in books. And in real life, there was nothing much to cry about. But in books, oh dear me. It was wonderful, there was so much to cry about. And then there was evolution. Evolution was all over my childhood. Walks abroad with an evolutionist, and the world was full of evolution. Biological and botanical evolution. With music as a background for emotion, and books as a reality, and a great deal of fresh air as a necessity. And a great deal of eating as an excitement and as an orgy. Now, well, just then, there was no war. No actual war anywhere. Did it really happen? Oh yes, she said, it does happen, and it did happen. Well, so, life goes on. We had just been reading Shakespeare, Richard III. And the things they say there do sound just like that. So why not? Anything is so, if a country makes it so, and a century makes it so, when it is so, just like that. Just like that. Did it really happen? Oh yes, she said. It does happen. And it did happen. Well, so life goes on. We had just been reading Shakespeare, Richard III. And the things they say there do sound just like that. So why not? Anything is so. If a country makes it so, and a century makes it so, when it is so, just like that, just like that. History does repeat itself. I have often thought that was the really soothing thing that history does. The one thing that is sure and certain is that history does not teach. That is to say, it always says let it be a lesson to you, but is it? Not at all. Not at all. Because circumstances always alter cases. And so, although history does repeat itself, it is only because the repetition is soothing that anyone believes it. Nobody wants to learn, either by their own or anybody else's experience. Nobody does. No, they say they do, but no. Nobody does. Yes. Nobody does. We had just been reading Shakespeare, Richard III. And the things they say there do sound just like that. So why not? Anything is so. If a country makes it so, and a century makes it so, when it is so, just like that, just like that. Pintor, está ligeramente alejado del cuadro. Lanza una mirada sobre el modelo. Quizás se trata de añadir un último toque, pero también puede ser que no se haya dado aún la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda en dirección de la paleta. Está por un momento inmóvil entre la tela y los colores. Esta mano hábil depende de la vista, y la vista a su vez descansa sobre el gesto sublime. Entre la fina punta del pincel y el acero de la mirada, el espectáculo va a desplegar su volumen. Si tomamos un poco de distancia, el pintor está colocado al lado de la obra sobre la que trabaja. Es decir, que para el espectador que lo contempla ahora. El cuadro está vuelto de espaldas. Se lo puede percibir al reverso con el enorme bastidor que lo sostiene. En cambio, el pintor es perfectamente visible en toda su estatura. El pintor fija un punto invisible, pero que nosotros, los espectadores, nos podemos asignar fácilmente. Ya que este punto somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros ojos. Así pues, el espectáculo que él contempla es dos veces invisible. porque no está representado en el espacio del cuadro y porque se sitúa justo en este punto ciego, en este recuadro esencial en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el momento en que la vemos. Desde los ojos del pintor hasta lo que ve está trazada una línea imperiosa que no sabríamos evitar, nosotros, los que contemplamos. Atraviesa el cuadro real y se reúne delante de su superficie, en ese lugar desde el que vemos al espectador que nos observa. Este punteado nos alcanza irremisiblemente y nos liga a la representación del cuadro. Nul regard n'est stable. Et la grande toile, retournée à l'extrême gauche du tableau, exerce là sa seconde fonction. Obstinément invisible, elle empêche que soit jamais repérable, ni définitivement établi, le rapport des regards. Parce que nous ne voyons que cet envers, nous ne savons qui nous sommes, ni ce que nous faisons. Les autres personnages du tableau sont pour la plupart tournés aussi vers ce qui doit se passer en avant. La frise qui occupe le premier et le second plan du tableau représente, si on y comprend le peintre, 8 personnages. 5 d'entre eux, la tête plus ou moins inclinée, tournée au pencher, regardent à la perpendiculaire du tableau. Le centre du groupe est occupé par la petite infante, avec son ample robe grise et rose. कहना है क्या ये नैन जो एक अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान नए जिनके जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना है अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ये ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना है क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ये ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले मैं से उन्हें मैं पुकारूं Thank you. तूफान उठी हम तो लुट गए खड़े ही खड़े कहना है क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ये ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम मन से कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं Et c'est toujours le flanc ouvert. Et c'est toujours l'enseveli vivant. Et c'est toujours le tabernacle brisé, le bras faible comme un cil qui lutte contre le fleuve. Et c'est toujours la nuit qui revient. L'espace vide, mais qui guette. Et c'est toujours la vieille sangle. Et c'est toujours l'enseveli vivant. Et c'est toujours le balcon écroulé. Le nerf pincé au fond du cœur qui se souvient. L'oiseau baobab qui fouaille le cerveau. Le torrent où l'être se précipite. Et c'est toujours la rencontre dans l'orage. Et c'est toujours le bord de l'éclipse. Et c'est toujours derrière la palissade des cellules, l'horizon qui recule.